Touche ton peuple, Seigneur. Fais naître en nous la foi de ton réveil, de ta sainteté. Touche ton peuple, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. Fais naître en nous la foi de ton réveil, de ta sainteté. Touche ton peuple, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. Nous voulons connaître ton cœur, recevoir ton onction et ta compassion. Touche ton peuple, Seigneur. Nous sommes faibles, des vases vides. Nous sommes faibles, des vases vides. Remplis-nous, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. Et de nous tes intercesseurs. Et témoins du ciel sur cette terre belle. Touche ton peuple, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. Nous sommes tes sacrificateurs. Rends-nous puissants, prêts pour la moisson. Touche ton peuple, Seigneur. Nous sommes faibles, des vases vides. Nous sommes faibles, des vases vides. Remplis-nous, Seigneur. Touche ton peuple, Seigneur. touche.